إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours 109 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid et on est toujours dans le chapitre 39. Encore une fois, on explique qu'est-ce qui a rapport avec le fait que de juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du Tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de juger par autre que la loi qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui fait partie du shirk. D'accord? Ça fait partie du fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ses partenaires. Et on va expliquer, on continue l'explication des versets qu'on a mentionnés hier. On est dans les versets de Surat al-Nisa. On a commencé avec le verset 61, 62, 63. Et là, on continue comme ça. Le Cheikh, il dit, Cheikh al-Fawzan, il dit, وقال تعالى وما أرسلنا من رسول يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ومحمد ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله بشرعه ودينه وبتوفيقه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى فالواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته ومن طاعته التحاكم إليه. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la législation ou par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa religion et par son accord. Hein. Donc l'obligation pour chaque individu c'est d'obéir au messager et de ne pas le contredire. Et parmi qu'est-ce qui est inclus dans le fait d'obéir au messager, il y a le fait de juger selon la charia qu'il a amenée, selon la loi qu'il a amenée. D'accord? Donc, si tu es un croyant, tu dois juger selon la loi que Allah a envoyée par l'intermédiaire de son messager. Si tu dis, je crois en Dieu, mais pour juger, quand il y a quelque, quoi que ce soit, un problème ou une divergence ou un désaccord ou quoi que ce soit, pour juger, tu retournes à autre chose qu'à la révélation de Dieu, autre chose qu'à la loi que Dieu a révélée, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans ta foi, un problème dans ta compréhension et dans ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بين صلى الله عليه سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني لما حصل منهم ما حصل من التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله وهذا عرض للتوبة واستغفر لهم الرسول لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة منه صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم فهو يستغفر للمذنبين والمسيئين ويدعو للمسلمين في قضاء حوائجهم فهو صلى الله عليه وسلم في حياته يستغفر ويدعو للمسلمين أما بعد مماته فلا يذهب إلى قبره ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدعاء لأن هذا انتهى بموته ولكن بقي ولله الحمد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الخير وفيهما البركة وما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى قبره ويطلبون منه ذلك. Donc le cheikh ici il explique un point très important. qui a rapport avec la repentance en fait, par rapport aux gens qui ont essayé de chercher d'autres juges hein, pour retourner vers eux dans leur divergence. Au lieu de retourner vers la loi d'Allah, ils se sont tournés vers le tarot, c'est-à-dire ils se sont tournés vers d'autres en dehors d'Allah ou d'autres choses que la loi d'Allah. Hein. Et donc, le cheikh il explique qu'à la suite de ces versets-là, Allah il dit que ceux-là, s'ils étaient retournés, ceux qui se sont détournés du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, s'ils revenaient à Allah et qu'ils se repentaient à Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah aurait accepté leur repentance. Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté leur repentance parce que l'être humain, il fait des erreurs et il fait des péchés. Et une fois que ça fait des erreurs, une fois que ça fait des péchés, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'espoir. Il y a beaucoup de gens, on dirait que c'est ça qu'ils ont compris. Ils pensent que ça y est, si j'ai fait une faute, ça y est, c'est fini, je ne peux plus revenir. Non, c'est pas vrai. Si tu as fait une erreur, la seule chose que tu as à faire, c'est d'admettre ce que tu as fait comme erreur et de demander pardon à Allah. Allah va te pardonner, mais il faut que tu sois sincère. Hein? Donc, par exemple, Allah il dit dans ce verset-là, et s'ils étaient revenus après qu'ils se soient fait de l'injustice envers eux-mêmes, après qu'ils se soient fait du mal envers eux-mêmes, en essayant de chercher d'autres juges, en essayant de chercher d'autres choses comme juges que le livre d'Allah et la sunna de son messager, et qu'ils étaient venus te voir, c'est-à-dire qu'ils étaient venus à toi, c'est-à-dire au messager, pour que, et qu'ils avaient demandé pardon à Allah, c'est-à-dire qu'ils étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient demandé pardon à Allah, et ça c'est un appel et une offre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur offrir de se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur dire, voici, vous avez la possibilité et la capacité maintenant de revenir et de demander pardon pour votre péché. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Et que le messager aurait demandé à Allah pardon pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé à Allah pardon pour eux, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque, lorsqu'il était là avec ses compagnons, si quelqu'un allait commettre un péché ou une faute ou une erreur, quelqu'un pouvait aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire au messager d'Allah, est-ce que tu peux demander à Allah pardon pour moi, hein? Ça c'est possible, hein? Et donc c'est quelque chose de bien en fait, parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande pardon pour quelqu'un, c'est comme s'il était en train d'intercéder auprès de lui pour demander pardon, d'accord? Et le chef il dit que ça c'est uniquement pendant sa vie, c'est-à-dire pendant la vie, pendant le vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas le droit bien entendu de chercher ça après sa mort, hein? Comme certains soufis, certains égarés parmi les gens qui se disent musulmans, qui vont à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui pensent qu'ils peuvent demander le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et ça c'est de l'idolâtrie et c'est du shirk. Et ça c'est interdit dans l'islam. Hein? Mais ces gens-là, ils s'imaginent qu'il n'y a pas de différence entre quand il est vivant ou quand il est mort. Alors ils se permettent d'aller à la tombe d'un saint ou d'aller à la tombe d'un prophète ou une tombe de quelqu'un comme ça, puis quelqu'un qu'ils ont vu que durant sa vie il a fait des miracles, ou bien il a fait des bonnes actions, ou bien il a été pieux, donc ils disent bon, on peut aller lui demander, de demander pardon à Allah pour nous, ou d'intercéder à notre faveur. Et ça c'est de l'idolâtrie. Ça c'est aussi la même affaire que les affaires à voir, les sunnites et les sunnites. Il y a les chiites qui font ça aussi. Les chiites, eux, ça fait partie de leur religion, comme les soufis. Quand ils ont un malheur ou un problème, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se tournent vers la tombe. Ils se tournent vers le saint. Et ils s'en vont lui demander de leur porter secours ou de leur venir en aide. Hein? Donc c'est souvent les chiites, quand ils parlent aux gens, ils leur parlent avec un petit discours politique pour essayer de les pomper, pour les attirer, hein, pour leur montrer, hein, on est contre les Américains et tout. Puis après qu'ils ont un malheur, ils se tournent vers la tombe de Al-Hassan ou Al-Hussein, Ali et les autres. Hein? Qui sont des sahaba et qui sont parmi les meilleurs musulmans, mais qu'on n'a pas le droit de prendre comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des créateurs. Hein? Donc il ne faut pas juste écouter le discours politique, il faut voir qu'est-ce qu'il y a en arrière comme égarement pour ce pour se préserver justement de tomber dans l'égarement. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, il demandait pardon à Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui faisaient des péchés, et il invoquait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des doigts, demandait à Allah pour les musulmans, et il demandait à Allah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, d'aider quelqu'un s'il avait un problème, ou demandait à Allah, il faisait des prières à Allah sallallahu alayhi wa sallam pour remplir les besoins de quelqu'un si quelqu'un avait un besoin quelconque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faisait durant sa vie. Mais après sa mort, comme le cheikh dit, on n'a pas le droit d'aller à sa tombe, on n'a pas le droit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah pardon pour nous, ou de faire des doigts pour nous. Parce que ça, c'est terminé après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, alhamdulillah, il reste toujours, le livre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces deux choses-là, il y a le bien. Dans le Coran, dans la Sunna, il y a tout ce qu'il y a de bien pour nous. Et il y a de la bénédiction dedans. Et même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient avec lui, qui ont cru en lui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils n'allaient pas à sa tombe pour lui demander quoi que ce soit. Hein? Donc ce que les gens aujourd'hui font, certains d'entre les musulmans ignorants, parmi eux certains qui sont égarés, qui vont à la tombe d'un saint ou à la tombe d'un prophète, pour demander de l'aide ou pour demander de l'intercession ou peu importe, et qui vont égorger un animal pour lui, ou qui vont par exemple faire des circulations, ils vont circuler autour de sa tombe pour demander la bénédiction ou pour essayer de trouver la bénédiction de ce saint. C'est important de savoir que tout ce qu'ils font, ils n'ont aucune preuve et aucune référence pour le faire. Ils n'ont aucune preuve, ni référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les actions des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que aucun d'entre les Sahaba n'a jamais fait une chose pareille. Et tout ce qu'ils mentionnent comme exemple ou argument pour essayer de supporter ce qu'ils font, c'est des exemples que tu vois qui ont été faits par des égarés ou bien par des ignorants, ou bien qui sont mentionnés dans des histoires qui n'ont aucune authenticité, ou bien qui sont mentionnés par des gens qui ont vécu des siècles après les Sahaba. Hein? Et après ça, ils essaient de dire, regardez, un tel savant ou une telle personne qui était connue a fait telle chose. Hein? Et ils mentionnent des exemples de ça, par exemple, pour essayer de justifier ces choses-là. Toutefois, c'est des choses qui ne sont pas des références dans la charia. Parce que si ça vient pas du Coran et de la Sunna authentique et de l'exemple des Sahaba, hein, ou du consensus des Sahaba, c'est pas une référence pour nous, les musulmans. Même si certains musulmans l'ont fait. Peu importe sa piété, peu importe sa grandeur, l'important c'est ce qu'il a fait, est-ce que ça a une référence dans le Coran ou dans la Sunna? Comme on a appris dans le chapitre précédent, hein, qu'on ne doit pas obéir aux dirigeants et aux savants quand ils rendent halal ce qui est haram ou quand ils rendent haram ce qui est halal. C'est-à-dire, quand ils veulent essayer de déformer la charia, on n'a pas le droit de les obéir dans ce sens-là. Et si on les obéit dans ces choses-là, ça équivaut en fait à les prendre comme des égaux. Donc, ça équivaut à les prendre comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a expliqué dans le cours précédent. Donc, le cheikh dit, « أَمَّا الَّذِينَ يَحْتَدِلُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ » على المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده وطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت فهذا باطل لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا. Vous avez par exemple des gens qui ont grandi dans des familles soufis, dans des pays musulmans, et eux, ils ont grandi avec ces pratiques-là, hein? Et même parmi les chiites, ils ont grandi dans ces traditions-là. Alors quand ils sont avec les musulmans, ils ne parlent pas de ça. Ils ne disent pas ces choses-là, mais au fond de leur cœur, ils y croient et ils pensent que c'est correct. Et quand ils entendent autour d'eux des gens qui dénoncent ces choses-là, il y en a parmi eux, ça les met en colère parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit, lui, celui-là, il est en train de critiquer, qu'est-ce qu'on pratique dans nos pays ou dans notre culture ou dans notre tradition. Mais ils savent qu'il n'y a pas de référence pour qu'est-ce qu'ils font. Hein. Et dans leurs livres, dans les livres de ces soufis-là et de ces chiites et des autres gens de là, tu trouves des gens qui ont écrit des livres pour essayer de supporter, pour essayer de défendre ces choses-là. Et bien entendu, ces livres-là, ils sont cachés, hein, ils les font circuler juste entre eux, hein, parce qu'ils n'auraient pas le courage de les montrer aux musulmans, sinon c'est sûr qu'ils se seraient démarqués tout de suite. Mais non seulement ça, les savants de l'islam, alhamdulillah, ceux qui sont sur la sunna et sur le tawhid, ils ont récité ce livre-là, hein, avec tous les mensonges qu'il y a dedans. Et alhamdulillah, il y a plein de livres comme ça qui ont été écrits par des grands savants de l'islam, Ibn Taymiyyah et d'autres, hein, qui sont avant lui et après lui, qui ont clarifié ces choses-là. Et donc, il y en a qui utilisent ce verset, et s'ils avaient fait du tort à eux-mêmes, s'ils étaient venus après ça pour demander pardon à Allah, ils étaient venus au Seigneur pour demander pardon à Allah, ou bien s'ils avaient demandé au messager, ou bien que le messager aurait demandé pardon pour eux, ça c'est durant sa vie. Et il y en a qui essaient de mentionner l'exemple que il y en a parmi eux, par exemple, qui allaient, il y en a qui essaient de dire que c'est permis d'aller à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de faire des du'as auprès de cette tombe pour demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après sa mort. Et ça, c'est totalement faux. Et aucun des sahaba n'a jamais fait une chose pareille. Aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ces choses-là. Même on a déjà expliqué dans les cours précédents qu'on n'a pas le droit de croire que l'invocation ou la prière qu'on fait près d'une tombe est plus, a plus de valeur ou est plus acceptée que la prière qu'on fait ailleurs. Et déjà que le prophète s'en a interdit de prendre les cimetières et les lieux, les tombes comme des lieux d'adoration. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est pour ça. Quand on va au cimetière, on va aller parler aux défunts, en fait, quand on va au cimetière, c'est pas pour parler aux défunts, c'est plutôt pour demander à Allah de leur pardonner et de le faire miséricorde. Et ça, bien entendu, c'est spécifique aux musulmans. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire des invocations, demander pardon à, demander à Allah pardon pour un mécréant ou un non-musulman ou un idolâtre. C'est seulement pour les musulmans. Et à ce sujet-là, une fois, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit au messager d'Allah, où est-ce qu'il est mon père? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton père est en enfer. Alors l'homme, il est parti, il était triste, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait revenir, et il lui a dit, ton père et mon père sont en enfer. Donc c'est pour dire, prends pas ça personnel, c'est pas parce que c'est ton père, même le mien est en enfer. Donc ça veut dire, il faut pas essayer de prendre ça d'une façon sentimentale. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé comme ça dans cette vie, avec des liens de parenté, père et mère et tout ça. Mais au jugement dernier, tous ces liens-là vont être brisés. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, ça va être chacun pour soi. Et tes parents pourront rien faire pour toi, et toi tu pourras rien faire pour eux. Parce que chacun va être jugé pour qu'est-ce qu'il a fait lui, et qu'est-ce qu'il a cru lui. Donc, faut pas que tu penses que l'égarement de tes parents sont une justification de ton égarement à toi, si tu veux suivre leur voie ou bien soit des gens. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand ils sont en train de suivre un égarement, et puis on leur montre le droit chemin, par la suite ils disent, ah ouais, mais qu'est-ce qui arrive à mes ancêtres ou à mes parents? Mais l'important c'est toi, sauve-toi toi-même en premier. Eux, ils ont eu leur test. Maintenant c'est le tien, maintenant sauve-toi. T'as connu la vérité, celui-là. Donc c'est ça l'important. Le cheikh il dit, donc, il y a des exemples qui sont mentionnés parfois dans certains livres. Tu trouves des exemples qui ne sont pas rapportés avec aucune chaîne de narrateur, qui n'ont aucune forme d'authenticité. C'est même pas des hadiths, c'est juste des histoires que des gens racontent comme ça. Ils racontent des histoires qu'il y a un bédouin qui était allé à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander quelque chose, puis que il a vu un rêve par la suite, puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé et des trucs de ce genre. Mais il y en a même qui vont dire que ils sont allés à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis là il y a une main qui est sortie de la tombe, puis ils ont serré la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des exemples dans les... Ça, vous trouvez ça dans les livres des soufis, là. Ah ouais, ça c'est dans les livres des soufis. Donc, les histoires que vous lisez comme ça, là, ça c'est des mensonges, ok? Et puis les gens qui racontent ça, ils n'ont aucune référence et aucune preuve pour supporter ce qu'ils racontent comme ça. Mais les soufis, ils utilisent ces histoires-là pour attirer les gens naïfs et la foule, et la masse. Ils leur racontent des histoires comme ça pour leur faire croire à des mensonges de son âme, comme les tablés aussi racontent des histoires comme ça. Vous avez déjà entendu une histoire qu'elle il y avait un khuruj qui était parti en Afrique. Là, il avait prié. Puis là, ils se sont alignés pour prier. Là, ils ont commencé à prier. Puis il y a des singes qui sont venus. Mm-hmm. Ils sont alignés derrière eux. Puis ils ont commencé à prier avec eux. En Afrique, mais il y en a d'autres qui étaient en Pakistan, en Inde et tout, dans chaque pays. Et c'est des histoires comme ça qui essaient de montrer. En fait, qu'est-ce qu'ils attirent les soufis? Comment ils essaient d'attirer les gens les soufis? Dans la mentalité soufie, c'est que plus que tu fais des miracles, plus que tu es proche de Dieu. Si tu fais des choses hors de l'ordinaire, t'es proche de Dieu. Les soufis, c'est des gens qui recherchent des super héros. C'est ça. C'est parce que, oui, ils vénèrent les hommes, tu vois. C'est les soufis, pardon. Ouais, c'est comme des fois même ils utilisent la magie et la sorcellerie pour essayer de faire des choses hors de l'ordinaire, surnaturelles, pour impressionner les gens, pour leur montrer qu'ils sont des saints, pour que les gens les suivent aveuglément, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire des miracles. Il n'y a pas de doute de ça. Sauf que, si tu vois quelqu'un qui fait des miracles et qui suit autre que le Coran et la Sunna par la suite, et qui t'amène vers l'égarement, qui t'appelle à l'égarement, puis qui te dit je fais des miracles, je suis au sein, ça c'est un égaré. Exemple de miracle. Ben, comme par exemple, comme le frère il a mentionné, par exemple, des histoires que des singes sont venus se mettre derrière eux pour prier avec eux. Il y en avait d'autres exemples que, comme j'ai mentionné, moi c'est ce que j'ai entendu de ces gens-là. Il disait que par exemple, quand c'est. Un exemple de miracle, quelqu'un qui suit le Coran de la Sunna. Non, ben, ça, il y en a eu dans le passé, comme par exemple à l'époque des Sahaba, quand il y avait l'armée des Perses, et que les musulmans étaient séparés par. Il y avait une mer qui les séparait. Il y avait l'armée des musulmans d'un côté, puis l'armée des Perses de l'autre côté. Et Khalid ibn Walid, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a fait un péché? Dernièrement. Il a dit non. Alors, il a dit, ok, suivez-moi. Et puis, il a marché. Il a traversé la mer avec les chevaux, ils ont traversé. Et puis, ils ont pas coulé dans l'eau. Oui, c'est ça. Et ça, c'est peut-être un exemple de miracle. Non, c'est pas eux qui le décident, mais ils mettent leur confiance à Allah, ils demandent l'aide d'Allah, puis Allah leur donne la possibilité de le faire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vrai qu'il peut y avoir des miracles, ça c'est un exemple. Mais il y a d'autres choses, par exemple, tu vois des gens, ces gens-là qui inventent des histoires juste pour attirer les gens à les suivre et qu'ils ne suivent pas la Sunna, ils ne suivent pas le Coran. Donc tu vois. L'imam Chab, c'est le dit. C'est même si tu vois quelqu'un marcher sur l'eau. Exactement. Exactement. Tu vois, c'est quoi son adhésion au Coran de la Sunna. C'est ça. Et puis là, ils volent le bord à l'autre. Ouais. C'est ça. Si tu vois le Coran, tu l'as Sunna, tu dis. Exactement. Donc, les ulama, ils ont dit ça. Ils ont dit, tu dois pas suivre. Quelqu'un dit, si je vois quelqu'un qui marche sur l'eau, je vais rien prendre de lui jusqu'à ce que je l'ai comparé au Coran et à la Sunna. Pour voir si c'est en accord. Et il y en a un qui a dit, moi je rajoute plus que ça encore, sinon s'il vole dans les airs. Tu le vois voler dans les airs, puis il te dit de faire quelque chose contre un Coran, tu n'acceptes pas rien de lui. Voilà. Donc, c'est pas la question seulement de le voir faire des miracles, parce que le Dajjal qui va venir à la fin des temps, hein, l'Antichrist qui va venir à la fin des temps, il va faire plus de miracles encore. Pourtant, il appelle les gens à l'adorer lui. Il appelle à la méfiance. Donc, si tu te bases juste sur ce que quelqu'un peut faire comme prodige ou comme miracle pour essayer de le suivre, là, tu vas t'égarer. À la réponse du jeune, là, quand il a coupé en deux un jeune, il l'a coupé en deux et il a recollé son corps. Et il lui a dit, est-ce que tu crois? Et le jeune, il lui a dit, je crois que Mohammed nous a prévenu que tu allais arriver. Mais il n'a pas dit, je crois en toi, mais ça, c'est un miracle. Exactement. Parce qu'une tête bien, comme le frère a dit, il va couper un homme en deux, il va couper le jeune en deux, et puis il va passer entre les deux parties de son corps. Puis après, il va les recoller ensemble, puis il va vivre. Et est-ce que tu crois en moi maintenant, comme le frère a dit? Et alors, il va dire, le jeune, il va dire, maintenant j'ai la certitude que qu'est-ce que le prophète Hassan avait dit, c'est vrai, et que c'est toi, le Dajjal. Donc, ça c'est pour vous montrer, de pas se baser juste là-dessus. Et le cheikh, il dit, فهو ميت فهذا باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأن الصحابة لم يفعلوا هذا وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير وما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء أو نزلت بهم نازلة أو أصابهم قحط أو انحبات مطر أو أصابتهم شدة من الشدائد ما كانت القرون المفضلة يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يطلبون من الله وإذا كان فيهم أحد من أهل الصلاح أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يدعو الله لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما انحبس المطر فاستقوا قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا يعني يوم كان حيا عليه الصلاة والسلام وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا ادعو يا عباس. Donc le cheikh il explique que les sahaba sont les gens qui ont le plus de connaissances parmi les gens qui ont vécu, hein. C'est eux qui ont le plus de connaissances. Et c'est eux qui ont le plus d'intérêt et le plus de désir pour guider les gens et les ramener vers le droit chemin. Et malgré tout, on n'a pas vu de la part des Sahaba que lorsqu'il y avait un malheur ou un problème, ils allaient vers la tombe du prophète pour demander quoi que ce soit. Hein. Lorsque, par exemple, ils avaient un problème, ils n'allaient pas, par exemple, voir le prophète à sa tombe. Ou bien quand il n'y avait pas de pluie, ou quand il y avait une difficulté quelconque. Les trois premiers siècles des musulmans, on ne trouve pas chez eux cet exemple-là d'aller voir la tombe du prophète, demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala auprès de sa tombe. Ils demandaient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا كان فيهم أحد من أهل الصلاح نسي أبي كلكم parmi eux qui faisait partie des gens du bien, qui étaient des bons musulmans. Alors qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Ils demandaient à cet individu-là parmi les musulmans de faire une invocation pour eux. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'invoquer, de demander à cet homme-là de faire une prière ou une invocation à Allah pour eux, hein, et non pas demander à quelqu'un qui est mort, de demander à quelqu'un qui était vivant de prier Dieu pour eux. S'ils savaient ou s'ils pensaient que cette personne-là était quelqu'un de bien, ou si quelqu'un était par exemple un proche du prophète sallam qui était un bon musulman, ils lui demandaient de prier Dieu, et de demander à Dieu. Hein. Donc, on voit l'exemple de ça lorsque, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait eu une sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Alors, Omar ibn al-Khattab, qui était le responsable à l'époque, qui dirigeait les musulmans, le khalifa, hein, il a dit, dans une invocation qu'il faisait, tout le monde était réuni, il n'y avait pas de pluie depuis longtemps. Avant la mort, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, s'il n'y avait pas de pluie, ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour que Allah fasse tomber la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua pour eux, et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, de faire tomber la pluie, et la pluie tombait. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Omar ibn al-Khattab, il dit, oh Allah, auparavant, quand il y avait une sécheresse, on demandait au prophète de faire une invocation pour nous, et la pluie tombait. Et maintenant, on te demande par l'invocation de l'oncle du prophète, c'est-à-dire à l'Abbas, de faire tomber la pluie, alors fait tomber la pluie pour nous. Et là, il disait, oh Abbas, lève-toi et invoque Allah pour nous. Et là, Abbas, il se levait, c'était l'oncle du prophète, il se levait et il faisait un dua. Hein? Donc, le cheikh, il mentionne cette histoire-là. Et après, il dit, وهذا عمل الصحابة ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بل عدلوا إلى العباس لأن العباس حي موجود بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم ميت والحي يقدر على الدعاء والاستغفار والميت لا يقدر ومن لم يفرق بين الحي والميت فهو ميت القلب. Donc le cheikh il donne l'exemple, il dit, ça c'est l'action, l'exemple des sahaba. Quand ils avaient un malheur, ils n'allaient pas à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il a fait Omar. Il est allé voir l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était vivant et qui était présent de faire une invocation pour eux, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire tomber la pluie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était permis de le faire, d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas préféré l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils n'auraient pas laissé tomber la possibilité d'invoquer le prophète et demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah. Ils auraient demandé directement au prophète. Ils n'auraient pas passé par demander à l'oncle en fait, de faire un doigt pour eux. Ça c'est Abbas. Abdul Muttalib, non, lui Abbas il était musulman. Et son fils, Abdullah ibn Abbas, était un des grands savants de l'islam. Eh oui, la vue tombée, après ceux qui le font, quand ils le font, il y en a plus qui tombent. Là, le chef il dit donc qu'il faut faire la distinction entre le vivant et le mort. Hein? Donc le vivant, celui qui est vivant, quelqu'un qui est vivant, comme par exemple, si nous on disait par exemple au frère Hakim, fais un doigt, demande à Allah qu'il nous donne, par exemple, la baraka, ou qu'il nous donne quelque chose de bien, ou quelque chose qu'on a besoin, et que Hakim il se lève et qu'il fait un doigt à Allah pour nous. Ça c'est permis. Mais si le frère ou quelqu'un d'autre qui est mort, on se lève et on dit à la personne dans sa tombe, fais un doigt pour nous, ça c'est chiffre. Ça c'est pas la même chose, ça c'est pas permis. Hein? Eux ils font pas de distinction entre le vivant et le mort, ils disent si c'est quand tu es vivant, si quand tu es mort c'est pareil. Hein? Le chef dit wa kadhalika Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu anhu lamma istasqa talaba min Abi Yazid al-Jurashi an yad'u Allah fada'a. Hada amal al-Sahaba وهم أفقه الأمة وأعلم الأمة ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون ما كانوا يأتون ويدعون عند القبر أو يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو يطلبون منه الاستغفار بعد موته هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. الشيخ يدي الإجابة aussi de معاوية ابن أبي سفيان qui dirigeait dans la région de la Syrie à l'époque, même s'il y avait une sécheresse, il a fait encore l'istighfar, c'est-à-dire la prière de la demande de la pluie. Et il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà mort à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à un de ses compagnons, qui s'appelle Abu Yazid al-Jurashi, de se lever et de faire un dua pour les musulmans. Et il l'a fait, il s'est levé, il a fait une invocation. Et c'est ça ce qu'on appelle al-Tawassul. Le musulman, il se lève, hein, il s'est levé, Abu Yazid al-Jurashi s'est levé. Al-Jurashi s'est levé, il a fait son invocation, il demande à Allah de faire tomber la pluie. Donc, al-Tawassul, c'est pas juste. Est-ce que la porte est ouverte? Ouvrez-la parce que. J'arrive pas à respirer. Ça arrive quand un imam est considéré par la communauté musulmane que. Ouais, depuis que quelqu'un. Toi, tu ressens que c'est quelqu'un qui, tu penses, qui, d'après ce que tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, que c'est un bon musulman. On peut lui demander de le faire. Et ça va arriver là, c'est sûr. Non, ça va. Non, c'est pas nécessaire, mais ça dépend. Parce que souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il retient la pluie à cause de nos péchés. Tu comprends? Et donc, une des exigences de la prière de la demande de la pluie, c'est la repentance. Les gens doivent se repentir avant de le faire. Donc, souvent, c'est ça. Même maintenant, ils font. Ils font une prière spéciale pour ça. Ouais. Et toute la communauté vient, ils font, les imams en avant, ils font la prière qu'il lave les mains, que tu vois. Ouais. Souvent après, ce qui arrive, c'est qu'il commence à pleuvoir. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais là-bas, j'ai vécu là-bas plusieurs jours. Pendant 3 ans, j'ai vécu en Arabie Saoudite. Puis quand il n'y a pas de pluie, le dirigeant, il dit, bon, demain, tout à l'heure, il va avoir un client de... Ah. Et là, ils font le pas. Et quelques jours, soit le jour même ou quelques jours après, tu vois la pluie qui arrive. Ah. Donc, et ça, c'est rare parce qu'en Arabie Saoudite, c'est pas comme s'il pleuvait régulièrement, là. Hein? En plusieurs années que j'étais là-bas, il y a plus que quelques fois que tu peux les compter sur tes doigts. Hein. Et quand il pleut beaucoup. Après, Inch'Allah. Parce que sinon, on ne va pas finir. Bon. Là, le cheikh, il dit que lorsqu'ils sont arrivés, lorsque les Sahaba avaient un problème, comme on a dit, ils n'allaient pas à la tombe du Prophète, ils allaient demander à celui qui était parmi eux qui croyait être bon. La seule fois où ils allaient à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui habitaient à Médine, c'est lorsqu'ils revenaient d'un voyage. Si quelqu'un revenait d'un voyage, quand il revenait, il passait juste pour dire le salam, hein, pour faire le salam, c'est-à-dire pour faire le salut. Et il s'en allait, il ne faisait pas de dua, il ne faisait pas rien de particulier là-bas, juste, hein. Il passait, il faisait le salam et il s'en allait. Et il allait là juste quand il revenait, le jour qu'il revenait de son voyage, il passait, c'est tout. Il ne le refaisait pas tout le temps, à chaque fois, comme ça, régulièrement. Hein? Donc, le cheikh, il explique. Ah oui, puis ça s'appelle At-Tawassul. Et soufis, eux, ils mélangent les termes, ils utilisent n'importe quel terme pour n'importe quoi. Et ils prennent un terme et ils lui donnent une autre signification qui est contraire à son vrai sens, à sa vraie signification, puis ils essaient de l'utiliser pour essayer de confondre les gens. Comme par exemple, quand ils vont dire, ouais, il faut faire le tawassul. Ils disent, ouais, le tawassul, c'est permis. Faire le tawassul, c'est qu'est-ce qu'on a, un des exemples de ça, c'est qu'est-ce qu'on a mentionné. De prendre un moyen pour se rapprocher d'Allah qui est permis. Comme par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est pieux, tu fais un dua pour moi, demande à Allah pour moi. Ça c'est très sûr. Mais d'aller voir quelqu'un à sa tombe puis demander de prier pour toi alors qu'il est mort, eux ils disent que c'est très sûr. Mais ça c'est pas très sûr. Hein? Ça c'est de l'idolâtrie. Le cheikh dit ensuite, وتدل الآية على أن المنافقين لو تابوا تاب الله عليهم وأن من تحكم إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التوبة إذا تاب تاب الله عليه أما المخادعة وأما الكلام الفارغ وأننا ما أردنا بهذه الأمور إلا الخير والإصلاح بين الناس وما أردنا مخالفة الكتاب والسنة فهذا لا يقبل ولا اعتذار فيه ابدا وتنميق الالفاظ وتنميق الاعتذارات والحجج المزخرفه كل هذا لا يقبل الا مع التوبه الصادقه وترك هذا الذنب العظيم. Donc le cheikh dit, ce verset qu'on vient d'expliquer, ça prouve que les hypocrites, les munafiquins, ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de bid'a, ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui appellent à l'égarement parmi les musulmans, ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est que c'est rare qu'on retrouve qu'ils se repentent à Allah. Et c'est ça le problème. Donc, comme par exemple, souvent, il y a des ulama et il y a des shuyukh qui réfutent les gens qui ont fait des erreurs comme ça, qui se sont égarés. Et qu'est-ce qui est étrange, c'est que les savants qui clarifient les erreurs de ces gens-là, c'est une forme d'aide pour ces gens-là, pour leur montrer leurs erreurs, pour qu'ils reviennent au droit chemin. Mais qu'est-ce qu'on remarque souvent, malheureusement, c'est que ils ne reviennent jamais, excepté peu d'entre eux. Et donc, quand on leur montre, ou quand un savant écrit un livre pour montrer ses erreurs aux gens, pour avertir les gens contre son égarement, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça comme si en disant, ah non, il nous critique, il écrit un livre contre nous et il essaie de se défendre lui-même. au lieu de reconnaître son erreur puis de dire oui c'est vrai, j'admets que ça ce que je dis là c'est pas correct, hein? L'erreur elle est claire, souvent c'est des choses qui sont évidentes, qui sont tellement claires et apparentes que n'importe qui peut le comprendre. Parfois c'est plus subtil comme erreur, mais des fois c'est tellement clair, mais malgré tout tu les vois, ils refusent de revenir, ils refusent de dire oui c'est vrai, j'ai fait une erreur. Et ça c'est arrivé par exemple que certains d'entre ces gens-là qui se sont fait critiquer par exemple par le Cheikh Rabia ibn Hadi al-Mabsali. Cheikh Rabia a écrit un livre pour réfuter certains moutadis, certains égarés, certains innovateurs. Eux, pour essayer de se venger, au lieu de reconnaître leur erreur, au lieu de dire oui c'est vrai, on s'est trompé là-dedans, ils ont essayé d'écrire un livre pour chercher les erreurs du Cheikh Rabia. Et ils ont mentionné des exemples, ah Cheikh Rabia dans telle chose t'as dit ça, et t'as fait ça, et t'as fait ça. Cheikh Rabia a dit n'importe quelle erreur que vous m'amenez, que j'ai faite, et qui est claire, je l'accepte, et je m'en repens. Et quand on lui a mentionné une chose qu'il avait dite, qui était incorrect, qui avait été une erreur. Et le Cheikh a dit, cette parole, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, pardon de l'avoir dit. Et je me repens, de cette erreur. Et je me désavoue de cette parole et de tout ce que j'ai écrit qui a ce sens-là. Hein? Et ça, c'est un exemple, mais peut-être ça arrive plusieurs fois de la part du Cheikh Rabir. Mais c'est juste pour donner des exemples que ces gens-là, ils pensent que le fait qu'on montre tes erreurs, c'est un mal pour toi. Non, c'est pas un mal pour toi. C'est un bien pour toi. Parce que ça fait en sorte que tu peux t'en repentir avant ta mort. Et que ça te protège de justement avoir à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec tes péchés-là. Parce que on te les montre et on te les dit. Voici ton erreur que t'as fait. Demande pardon à Allah pour ce péché-là. Reviens à la vérité. C'est comme ça que les ulamas, quand on leur montre leurs erreurs, ils sont contents. Ils se réjouissent de ça. Tandis que les gens d'égarement, eux, quand on leur montre leur erreur, quand on leur montre leur faute, ils disent, ah, mais ils nous critiquent, ils nous attaquent, ils parlent contre nous, ils font la médisance, ils font ça, on n'a pas fait ça pour le mal, on a fait ça pour le bien, ils cherchent des excuses, ils se fâchent, hein, ils commencent à embellir et à essayer de mettre les gens contre la personne, à montrer ses fautes et ses erreurs et ses péchés. Hein? Lui, il fait ça. L'orgueil prend le dessus. Ça, c'est l'orgueil qui prend le dessus, comme tu dis. Et le shaitan, il rentre, le diable, il rentre dans ça, et puis il les éloigne encore plus dans leur péché, dans leur égarement, au lieu de les ramener. Au lieu de faire qu'ils reviennent à la vérité, il persiste encore plus dans leur égarement. Et ça, c'est triste de la part de ces gens-là. Hein? Comme quand on a parlé à certains jeunes bid'a à Montréal, on leur a montré leurs erreurs. Ils essaient de donner des excuses. Ah, mais pourquoi le frère, il n'est pas venu nous voir en privé? Pourquoi le frère, il n'est pas venu dire ci? Pourquoi il n'est pas venu dire ça? Ok. Maintenant, vous avez vu, l'erreur est sortie. Maintenant, on a clarifié votre erreur parce que ça fait des années que vous êtes dessus et que vous êtes en train de le faire. Et tout le monde le sait déjà. Sauf que vous ne voulez pas que les gens le sachent. Vous essayez de le camoufler. Et quand quelqu'un le montre à tout le monde, là, ça vous dérange. Et là, vous dites, pourquoi il n'est pas venu nous voir en privé? Maintenant que c'est sorti, est-ce que vous allez vous repentir? Est-ce que vous allez admettre, oui c'est vrai, on a ces erreurs-là, on va demander pardon à Allah, on va cesser de faire ça, on va corriger nos fautes, parce que la repentance, quand tu es en train d'appeler à des égarements ou que tu fais des erreurs dans l'islam, tu appelles à des fausses choses dans l'islam, c'est pas juste de dire astaghfirullah entre toi et Allah puis c'est fini. Non, ça, si c'était comme ça, ce serait trop facile. Hein? Là, il faut que tu montres ouvertement que tu t'es repenti. Il faut que tu clarifies ouvertement ton erreur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim. Ça veut dire, sauf ceux qui se sont repentis et qui ont fait une réforme, aslahu wa bayyanu, et qui ont clarifié, ceux-là, je vais accepter leur repentance. C'est pas juste que tu dis astaghfirullah. Hein? Peut-être que tu as fait un péché en toi et Allah, ça se limite juste à toi. Tu demandes pardon à Allah, oui, il accepte ta repentance. Mais quand c'est quelque chose qui a rapport avec l'islam, la religion, la bid'a, la da'wa, tu appelles des gens à des choses fausses, tu dis des choses contraires à la vérité dans la religion d'Allah, c'est pas juste. Là, que tu vas dire astaghfirullah, tu te repens, puis c'est fini. Là, dans un cas pareil, tu dois dire aux gens, clarifier. Même si tu peux écrire un livre ou écrire un texte pour dire, oui, c'est vrai, à telle, telle époque, j'ai dit telle, telle chose. Et ces paroles-là, j'ai réalisé maintenant qu'elles sont fausses. Et c'est incorrect ce que je disais. Et je, maintenant, j'ai compris que la vérité est de dire que ce que Allah a dit et son messager a dit, c'est la vérité. Et de réfuter ces paroles-là. Et de réfuter les paroles que tu disais auparavant. Et de montrer aux gens que ce que tu disais, c'était une erreur. Et de revenir à la vérité. Comme l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, par exemple, qui était mu'tazili pendant 40 ans de sa vie. Quand il a quitté les mu'tazila, il est monté sur le minbar et il a dit, je me sépare de la croyance des mu'tazila comme vous me voyez enlever mon manteau. Il a enlevé son manteau et il a lancé. Il a dit, la même façon que j'enlève le manteau et que je le jette, la même façon je rejette la croyance des mu'tazila. Je n'ai plus rien à voir avec ce secte ni avec ces gens-là, je me repens. Et il a écrit des livres pour réfuter les mu'tazila. Et par la suite, mais étant donné qu'il n'était pas tout à fait non plus sur la sunna à cette époque-là, qu'il était sur la croyance d'Ibn Kulab, hein, et bien, par la suite de ça, avant sa mort, il a écrit des livres pour réfuter justement ces croyances qui étaient incorrectes pendant cette période intermédiaire. À la fin de sa vie, il est revenu à la sunna et il a écrit le livre qui s'appelle Al-Ibana, puis Usul Diyana, et dans ce livre-là, il a réfuté ses erreurs précédentes. Il a dit, voici ma position maintenant, je suis sur la voie des ulama de Ahl Sunnah et de l'imam Ahmad et de tous les savants de l'islam qui sont sur la Sunnah. C'est-à-dire, il a corrigé l'erreur. Il n'a pas juste dit, par exemple, oui, ça y est, j'avais une erreur, et puis je demande par pardon à Allah. Non. Il a clarifié son erreur, il est revenu sur son péché. Donc, les gens qui sont sur un manhaj qui est erroné et contraire à l'islam, contraire à la Sunnah, et qui ont réalisé que ce qu'ils font ou ce qu'ils disent est contraire à la vérité, ils sont appelés à la repentance, ces gens-là. Tous ceux qui ont dit des choses fausses, qui ont appelé à juger par autre que la loi d'Allah, qui ont appelé à l'égarement, ils doivent se repentir. Et ils doivent non seulement se repentir entre eux et Allah, mais se repentir également devant les musulmans en clarifiant leur position et en réfutant leur mensonge et leur égarement. Et donc ça c'est un exemple que j'ai donné pour que les gens disent que si on trouve des erreurs sur toi ou à ton sujet, c'est pas un mal et c'est pas un problème. Amener les erreurs qu'on a fait, que ce soit moi ou n'importe qui, Inch'Allah, hein, c'est pas parce qu'on critique les autres qu'on n'accepte pas la critique. Hein, si on critique les autres, c'est pour leur bien. Et si eux, ils veulent trouver en nous des fautes, alhamdoulilah. Même si c'est par orgueil ou par fierté ou par vengeance, c'est pas grave. Tant que c'est supporté par la preuve, Inch'Allah, on va l'accepter. Et on va s'en repentir de nos erreurs, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, mais d'essayer de tromper les gens, d'essayer de montrer qu'on voulait le bien, et de continuer à contredire le Coran et la Sunna, ça c'est pas accepté. Le Cheikh, il dit, وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يُحَكِّمُونَ القوانين اليوم ممن يدعون الإسلام يعتذرون بأعذار باطلة فيقال لهم إن كنتم تريدون الحق فارجعوا عما أنتم عليه وتوبوا إلى الله كما عرض الله التوبة على من كان قبلكم أزيلوا هذه القوانين وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله والله يتوب على من تاب أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة والاستغفار فهذه مخادعة لا تجوز لأن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والندم على ما فات ثم قال فلا وربك لا يؤمنون. Donc le cheikh l'explique, il dit que beaucoup des gens parmi ceux qui jugent par les lois faites par les hommes aujourd'hui, qui se détournent de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prétendent appeler à l'islam. Hein, mais on en a ces gens-là maintenant. Hein, même ici à Montréal, des gens comme ça, qui appellent les gens à juger par d'autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose qui est étonnante par la même circonstances, subhanallah, c'est que vous avez des musulmans qui viennent vivre ici au Canada, ils quittent les pays musulmans pour venir plus dans les pays de couple et de chef, et qui viennent s'établir ici, comme s'ils ont le droit, et qui pensent que c'est permis de s'intégrer dans la société. Eh bien, vous les voyez, ces musulmans-là, ils connaissent la loi canadienne sur le bout de leurs doigts. Tous les petits détails des lois, des systèmes sociaux, des aides sociales, des aides de solidarité, n'importe quoi, le chômage, allocation, n'importe quoi. S'ils sont capables de retirer 5 sous du gouvernement, ils vont trouver le moyen de le faire. Ils savent les détails de toutes les petits trucs de la loi canadienne. Hein. S'ils ont un problème, ils savent. Hein. Et même il y en a qui appellent des gens à aller consulter sur, justement des sites sur la loi canadienne pour dire voici la loi québécoise, il faut connaître la loi, il faut connaître. Hein. Et puis même il y en a qui appellent après comme ça les femmes en France et disent il faut que les musulmans en France étudient la loi, il faut qu'ils étudient la loi parce que c'est leur loi, ils sont français. Hein, donc c'est la loi française pour nous, c'est notre charia, des trucs de ce genre. Hein, il dit il faut trouver notre charia en France. Il dit la charia en France, pour les musulmans, c'est la constitution de la France, c'est ça la charia. Il dit pour les pays de l'Europe, la charia c'est la loi de l'Europe. Donc c'est les lois d'Europe. C'est ce qu'il dit. Donc c'est pour vous dire ces gens-là maintenant, ils appellent les musulmans à connaître. Et tu vois que certains de ces gens-là, qui se disent, qui se disent des musulmans ouverts et intégrés, et bien, subhanallah, ils connaissent les lois des kuffars mieux que les lois de l'islam. Et c'est pour ça que je vous dis, subhanallah, j'ai pensé à ça l'autre jour, je me disais, si ces gens-là me donnaient à l'étude de la charia et de l'islam le même intérêt et le même effort qu'ils donnent à connaître les détails de la loi canadienne, ils deviendraient des savants. Ils sont pas là, mais ils deviennent des savants. Malheureusement, tu les vois, ils donnent beaucoup d'intérêt à connaître les petits détails de la loi. La loi 121, article B, la loi alinéa E, je ne sais pas quoi, la loi dans le code pénal de tel, ou le code civil, ou le code de truc de ci, de ça. Subhanallah, comme si c'était un livre révélé d'Allah. Hein? Comme si c'était une révélation. Comme s'il n'y a pas, ça y est, ça c'est écrit dans la loi, ça y est, voilà. Ah oui, c'est une paroute, cette loi des hommes, là, c'est une paroute. Et on n'a pas le droit de s'y référer, excepté en cas de nécessité. Si c'est un cas de nécessité, tu n'as pas le choix. On t'appelle au justice, tu dois t'en sortir, tu dois régler le problème, tu as le droit d'avoir recours à cette loi pour t'en sortir dans un cas de nécessité. Mais pas le prendre comme une référence, comme si c'est pas de problème, c'est fermé, khalat, on y va, les yeux fermés. Si on essaie de briser à cette loi-là, tu peux prendre cette loi-là et attaquer à d'autres. Ouais, dans le sens que si quelqu'un te fait des injustices, puis toi tu veux te défendre, ou tu veux voir, t'as pas le choix, il n'y a pas d'autre recours légal, il n'y a pas de tribunal islamique, donc t'es obligé, t'as pas le choix. Dans ce cas-là, c'est permis. C'est comme si, par exemple, t'as besoin de manger, t'es dans le désert, t'as mort de faim. Tu trouves un oiseau qui est mort, qui a été attaqué par un autre animal, il l'a laissé là, t'as faim, tu vas mourir de faim, tu le prends, tu le fais cuire, tu le manges. C'est pas permis de le manger, parce que cette viande-là est haram. Elle n'a pas été égorgée avec le nom d'Allah. Mais étant donné que t'es dans une situation de nécessité où tu risques de mourir, si tu manges pas, tu le prends, tu le manges, juste pour rester en vie. Et bien la même chose dans le cas où quelqu'un est ici, il a besoin, là, il y a un problème. Quelqu'un est passé, je ne sais pas moi, il a cassé sa voiture, cassé la vitre de sa voiture. Il l'amène en cours pour avoir son argent, parce qu'il refuse de payer. Hein, ou des trucs comme ça. Tu as passé à ton frère musulman, tu lui as passé de l'argent, et lui il dit non, tu ne m'as jamais prêté rien. Là, tu l'amènes en cours pour avoir ton argent. Parce que lui, il refuse par les moyens islamiques entre nous de prendre à l'amiable de s'arranger avec toi. Donc c'est forcé. Ou bien un musulman, par exemple, il te fait des menaces de mort. Ouais, ou bien sinon, si tu veux, tu le laisses. Tu dis par exemple, Allah il va juger entre toi et moi. Toi t'es un menteur. Allah il va te juger, il va te punir au jugement dernier. Si tu veux, tu le laisses comme ça, Allah il va t'en charger. Bien sûr, la punition d'Allah est plus grave que la punition des créateurs. Hein? Donc c'est des exemples. que je donne pour faire comprendre le principe, mais c'est que de voir que des gens musulmans qui viennent au Canada, qui connaissent les détails de la loi et qui connaissent les détails, hein, t'as besoin de quelque chose, t'as un problème avec le, t'as pas reçu telle somme d'argent du gouvernement, ah, mais c'est ton droit, mais vas-y, demandez ça, ils vont, hein, puis il y en a, c'est ça, surtout les immigrants quand ils viennent d'arriver, les nouveaux là, ils se disent tous les uns les autres, là, tiens, t'as le droit à ça, hein, t'as le droit à ça, hein. Et là, ils donnent les trucs en fait. Ou bien, si tu veux, tu fais le DF, tu travailles en dessous de la table, et puis après, tu fais de l'argent comme ça. Donc, ils te donnent plein de trucs comme ça, ils connaissent toutes les magouilles du système pour essayer de tromper la société, pour essayer de faire de l'argent pour mettre dans leur poche. Et il y en a des musulmans, là, les Sahel. Hein, c'est pour vous dire, par exemple, ils sont, par exemple, c'est le bien social, ils travaillent en dessous de la table, ils font des voyages, ils font des belles vies, hein, et puis comme si rien n'était. Et déjà bon, comme c'est ça, même déjà prendre le BS, si c'est pas nécessaire, t'as pas le droit de le prendre, parce que on n'a pas le droit de répéter, de faire la mendiance dans l'islam, et de tendre la main, et encore pire, si c'est un cœur, c'est s'il demande de l'argent, donc tu dois pas dépendre sur un non-musulman. Parce que tu es en train de te rabaisser. Sauf si c'est un cas vraiment extrême, nécessité, tu t'en prends juste pour le moment où tu en as besoin pour justement pas être dans les ennuis. Puis aussitôt que tu trouves un moyen de te supporter toi-même, tu l'aides. T'as pas besoin de continuer là-dessus. Mais si par exemple par la suite, comme le président, tu dois te souvenir à tes propres besoins, puis essayer de trouver un travail pour essayer de t'occuper de toi-même. En dessous de la table, c'est pas permis. J'ai demandé à un chef, Mohamed Al-Maliki, une fois, il m'a dit non, c'est pas permis. Parce que c'est une forme de trahison, une forme de mensonge. Pourquoi? Parce que tu signes que tu travailles pas, puis tu travailles, c'est un mensonge. Et le musulman, il doit pas mentir. Si tu travailles en dessous de la table, tu dois le dire, si tu travailles en dessous de la table. Et si tu fais ça, ils vont t'enlever la différence. Qu'est-ce que tu gagnes, ils vont te l'enlever. Le cheikh il dit, يعتذرون بأعذار الباطلة فيقال لهم. Ils cherchent des excuses, mais ce sont des fausses excuses comme on a dit. Mais le cheikh il dit qu'on doit leur dire, si vous voulez vraiment la vérité, alors revenez de ce que vous avez, de ce sur quoi vous êtes en train de suivre là, revenez de ça, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Parce que le problème de beaucoup de musulmans ici, c'est pas juste qu'ils font des péchés, mais ils essaient de justifier leurs péchés qu'ils sont en train de faire, pour essayer de les défendre. Et c'est ça le plus grave. Déjà, t'es en train de désobéir à Allah, de contredire la religion d'Allah, ça c'est déjà un péché en soi. Mais d'essayer de dire non, c'est pas un péché, non, c'est correct, mais ça c'est de l'hypocrisie carrément. Hein, c'est de la malhonnêteté. Comme si par exemple, si moi par exemple, ou n'importe qui d'autre parmi les musulmans est en train de faire quelque chose et il découvre que c'est haram. Le minimum d'honnêteté qu'il doit avoir, c'est de reconnaître que ce qu'il fait c'est haram. De dire oui, c'est vrai, c'est haram ce que je fais. Et je demande pardon à Allah, je vais essayer de l'abandonner le plus vite possible. Que Allah me donne la force pour que je sois capable de cesser de le faire le plus tôt possible. Hein? Et qu'il augmente ma foi pour que je sois capable de l'abandonner facilement. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que tu trouves? Non, c'est pas haram. Mais non, c'est permis. Ça, c'est grave. Il y a des gens comme ça. Des musulmans comme ça. Ils rendent halal ce qui est haram pour avoir bonne conscience. Devant les gens. Hein, pour que les gens ne les jugent pas, hein, surtout les non-musulmans. Il y en a des musulmans ici, au Québec et ailleurs, quand ils parlent avec des non-musulmans, ils leur racontent n'importe quoi. Ils leur racontent n'importe quoi. Pourquoi? Pour que les koufas ne les jugent pas. Pour que les koufas ne disent pas à leur sujet, ah mais tu ne respectes pas ta religion, tu ne respectes pas ta religion, ils ne veulent pas ça. Hein? Comme quand tu vois une fille par exemple qui s'habille en jeans et avec des trucs serrés là, qui va à l'école avec des non-musulmans, puis là elle a ses amis qui sont, elle parle comme eux, elle s'habille comme eux, elle écoute la musique comme eux, elle sort avec des gars, elle fait n'importe quoi, tout ce qui est haram elle le fait, elle sort dans les discothèques la fin de semaine, et quand les gens disent, mais c'est pas musulman ça, t'es pas obligé de te voiler. Ah, mais non, ça c'est pas dans le plan, ça c'est pas obligatoire. Les gens qui font ça, c'est des extrémistes, c'est des étudiants de ça. Elle meurt. Soit parce qu'elle est ignorante. Si elle est ignorante, elle devrait pas être ignorante de ces choses-là, parce que c'est des choses que tous les musulmans doivent savoir. Et si elles sont pas ignorantes puis qu'elles disent ça juste pour arroser le conscience devant les coupables, ça c'est de la malhonnêteté. Ça c'est de l'hypocrisie. Les musulmans, ils ont écrit là. Ouais. C'est vrai, il y a des filles musulmanes qui sont grandies ici. Dans les familles musulmanes, leurs parents leur ont jamais rien dit sur l'islam. Tu les vois là. Et c'est pour ça que je parlais avec le frère hein, tout à l'heure. Frère Issa, je disais ça justement. Et nous, on est parmi les frères qui fréquentent la mosquée, on est toujours avec des musulmans qui prient, qui pratiquent. Hein? Et moi, c'est ça, c'est quelque chose qui m'a choqué au début quand je suis fait converti à l'islam. Au tout début. Parce que tous les musulmans que j'ai connus, c'est ceux qui étaient à la mosquée. Donc j'imaginais que tout le monde était comme ça, tous les musulmans étaient comme ça. Mais quand tu sors dehors de ce contexte-là de la mosquée des musulmans qui pratiquent l'islam, et que tu vas à l'école, au cégep, au travail, dans la société, tu te mélanges avec les gens, tu vois la réalité de ce qui se passe avec les musulmans. Et là tu vois que les gens sont complètement égarés, perdus totalement. Hein? C'est toujours des filles musulmanes qui prennent de la drogue, qui font n'importe quoi. Donc, et puis, quand tu leur dis le mot islam, c'est comme, hein, c'est quoi ça? C'est comme si tu lui parles de la planète Mars. Elle n'a jamais entendu parler de ça. Elle n'a jamais connu ce que c'était ça, cette religion-là. La seule chose qu'elle sait de l'islam, c'est que, ouais, soi-disant, mes parents viennent d'un pays où les gens là-bas, soi-disant, sont des musulmans, ils pratiquent quelque chose qui s'appelle islam, mais bon, c'est traditionnel et tout et tout. Mais sinon, c'est rien, ça rien, rien, rien, rien, c'est comme si quand tu parles avec certains d'entre eux, là, c'est pire que lorsque tu parles avec un Québécois qui est grandi dans une famille catholique qui ne connaît rien de sa religion. Hein? Oh, ouais, je suis baptisé, mais. Hein, les Québécois disent ça. T'es pas catholique, toi? Oh, je suis baptisé quand j'étais petit, mes parents m'ont amené à l'église, ils m'ont mis de l'eau sur la tête. Après ça, il n'a jamais rien entendu parler de quoi que ce soit qui a rapport avec Dieu ou la religion. Donc ces musulmans-là sont comme ça. Hein. Et c'est pour ça le danger de ceux qui disent on va appeler un islam québécois. Là. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Un islam où les gens disent juste, ça y est, moi je sais pas, quand j'étais petit, là, je suis allé à la mosquée, puis après ça, je sais pas c'est quoi l'islam. Il y en a qui viennent à la mosquée juste pour une fois par année, c'est le jour de l'Aïd. À part ça, le reste de l'année, ils ne sont jamais allés. Et même, je dis l'Aïd, c'est beau. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas l'Aïd, ils viennent aller là pour Qadr. C'est-à-dire le 27e nuit du Ramadan. Ils viennent à la mosquée, ils pensent que c'est la nuit de la destinée, cette nuit-là, puis que prier une nuit dans cette nuit-là, ça vaut 1000 mois. Donc ça y est. T'es tombé sur la 27e nuit, ça y est, t'as besoin de prier pour le reste de l'année. Et puis là. Exactement. Il y en a un qui disait, il pensait que c'était le 27, mais il n'était pas sûr. Il ne pouvait pas dire ça avec certitude. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, une fois j'étais à la mosquée, et là, je vois un homme qui vient pour la 27e, c'était le 27e soir de Taraweh. Et là, je vois le monsieur, il a son fils qui a comme 14-15 ans. Et là, il lui montre, comme si pour la première fois, il lui montre comment faire le wudu. Et là, moi, je pense à lui. Alors, c'est la première fois que cet homme-là enseigne à son fils comment faire l'ablution. Bon, c'est un bien, alhamdoulilah, s'il va continuer à le faire, et qu'il lui montre pour la première fois, il a vu qu'il avait négligé ça, puis là, il commence à prendre sa responsabilité de père musulman. Donc là, il y a des gens, ils viennent dans cette société ici. Ils lancent leurs enfants dans la société comme ils lancent un mouton avec les loups. C'est ça la réalité. C'est là l'histoire de ce qu'on a fait, là, les Algériens qui sont appelés, là, on allait le voir. Ah oui, c'est vrai. Et une fois, il y a un monsieur qui est venu voir la mosquée. Quand j'étais imam à la mosquée. Il me dit, j'ai un problème, mon fils il prend de la drogue. Et puis, il ne travaille pas. Est-ce que tu peux venir pour lui parler? Il m'a amené chez lui pour lui parler. Le seul problème de cet homme-là, c'était pas que son fils prenait de la drogue puis qu'il faisait pas sa religion. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il travaillait pas. mon fils ne travaille pas, il ne peut rien, il reste à la maison toute la journée. C'est ça son problème. Pas parce qu'il ne fait pas la salat, pas parce qu'il ne lit pas le Coran, pas parce qu'il ne sait pas de connaître le but de son existence dans ce monde. Et quand tu regardais l'endroit où cet homme-là vivait, il a le confort matériel, il a une très belle maison, hein, en banlieue de Montréal, le confort, tout son quartier, c'est un quartier résidentiel, hein, il n'y a que des maisons autour, hein, beau voisinage, pas de problèmes sociaux, ça dit, hein, en apparence, parce que les gens ici s'imaginent que la richesse, que la pauvreté, c'est ça qui amène les problèmes sociaux. Donc, dans les quartiers pauvres, comme Montréal-Nord, ok, là, il y a des gangs, il y a de la drogue, mais les quartiers riches, là, en banlieue de Montréal, ça, tout est beau. Alors qu'il y a plein de jeunes là-bas, c'est des drogués, c'est des gens plus pires que les jeunes qui vivent en Montréal-Nord. Hein? Ah oui, donc c'est ça. Tu vois ces jeunes-là en train de prendre la drogue. Et moi, quand je lui parlais de sa religion, de sa foi par rapport à la foi, et le jeune, il écoutait. Je lui dis, il faut que tu lises le Coran, il faut que tu fasses la salat et tout. Le père était là, il dit, mais il faut qu'il travaille, il ne travaille pas. Subhanallah, c'est juste le matériel qui compte, ces gens-là. Et juste c'est pour ça que je dis, à beaucoup de musulmans, on est devenus comme des juifs. On voit juste le côté matériel. Et on critique les juifs, même nous comme eux. Et quand on voit les caractéristiques que Allah donne aux juifs dans le Coran, beaucoup d'entre ces caractéristiques-là, elles se retrouvent chez nous, chez nous les musulmans. Hein? Et on est devenus comme eux, dans beaucoup de choses. Et donc ça, c'est malheureux. Parce que les gens, ils sont partis d'accepter les autres, mais ils ne sont pas partis d'accepter. Ben c'est ça. Et Allah, il nous révèle le Coran, il nous parle des autres pour qu'on juge nous-mêmes, et pour qu'on se corrige nous-mêmes. Pas pour qu'on juge, ah, regarde, lui, c'est des juifs, lui, c'est des chrétiens, lui, c'est des soucis, ça. Ah oui, je critique les autres, mais je veux qu'ils parlent dans la faute. Ou bien si tu les critiques avec vérité, et que tu le fais dans le but en même temps d'éviter de tomber dans leurs erreurs, et eux aussi pour les faire réaliser qu'ils sont dans l'erreur, comme par exemple pour montrer aux juifs qu'ils sont dans l'erreur, ou les chrétiens qui sont dans l'erreur, ça c'est bien. Mais si c'est juste pour essayer de dire, parce que toi t'es pas eux, t'es meilleur qu'eux, ouais, pour te pomper toi-même, et que tu fais la même chose qu'eux, dans le mal, ça c'est pas... Non mais c'est comme ça, il y a des gens comme ça, dans la mentalité des gens ici, ils veulent pas que tu leur parles. Même si ils savent que t'es musulman, puis eux ils sont des musulmans, puis ils veulent pas que tu viennes les voir pour leur dire, écoute, tu devrais pratiquer ta religion, tu devrais commencer à faire la prière, mêle-toi de tes affaires, ils disent, ça te regarde pas. Pourquoi? Parce que ils ont pas compris l'islam. Dans l'islam, on est des frères entre nous. Et si tu vois ton frère en train de faire une erreur, ton devoir c'est de lui donner le bon conseil, de lui rappeler son devoir et son obligation vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, et de le ramener, d'essayer de le ramener au droit chemin. Pas de le laisser là pour dire « ah je m'en fous, tant pis pour lui, c'est lui qui est dans l'égarement ». Hein? Ça c'est facile à faire, ça c'est l'attitude un peu lâche. Hein? Et on a peur des fois de la réaction des gens, on se dit « ah ben si on va lui parler, ah il va crier, il va nous donner des... » Il manque de sagesse. Souvent c'est ça. Donc il faut faire preuve de courage aussi, puis de patience avec les gens. Hein? Et c'est arrivé des fois. J'ai abordé des gens dans la rue, ou des choses comme ça, je leur ai dit. Mais d'une façon gentille, d'une façon relaxe, calme, et je leur ai dit, écoutez, vous avez dit ça, vous avez fait ça. Et puis la personne, elle a dit, ok d'accord, vous avez raison. Et il est revenu au droit chemin. Alhamdulillah. Donc, ceux qui ont appelé à suivre d'autres lois que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le cheikh dit ils sont appelés cela à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit éliminer ces lois faites par les hommes, toutes ces paroutes, ces formes de paroutes, paroutilles, hein, ces lois faites par l'homme, et éliminer toutes ces constitutions et ces lois et ces trucs qui sont faits par l'homme. Et revenez à Allah repentant. Et repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous persistez à faire ce péché-là et que vous montrez en apparence là, vous dites, oh oui, je me repens, je dis pas sur Allah, mais tu continues à le faire, ça, le chef, il dit, cette tromperie-là, c'est pas permis. Ça sert à rien, c'est pas permis. Et parmi les conditions de la repentance, il faut cesser de faire le péché. Il faut avoir la ferme certitude ou conviction qu'on ne va pas y retourner, il faut avoir le remords de ce qu'on a fait, de l'avoir fait aussi. Ça, ça fait partie des conditions de la repentance. Après, il dit, enfin, avancer beaucoup. Le chef, il dit, حتى يحكموك فيما شجر بينهم من النزاع والاختلاف وهذا كما ذكرنا عام للاختلاف في الخصومات التي تنشب في الأعمال في الأعمال أو غيرها وفي العقائد وعام في الخصومات والمذاهب والآراء الفقهية وعام في الخصومات في المناهج الدعوية التي انقسم فيها الناس اليوم يجب أن يحكم فيها أو يحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يفعلوا فليسوا بمؤمنين لأن الله أقسم سبحانه وتعالى على نفي الإيمان على من لم يعمل على من لم يعمل هذا العمل. Le cheikh explique, il dit, par la suite, tout après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il jure par lui-même en disant, non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants, ils ne seront pas croyants. Et ça, c'est une réfutation de leur prétention d'avoir la foi. Hein? Et Allah, il confirme cette réfutation-là par le fait qu'il jure et il fait un serment à ce sujet-là et il jure par lui-même. Il dit, ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent, toi, Mohammed, comme juge entre eux dans leurs disputes. Dans toutes les disputes et les désaccords qu'ils peuvent avoir. Par exemple, s'ils ont des divergences entre eux dans les questions d'argent, ou dans les questions de croyance, ou dans les questions de différence d'opinion dans les madhab, ou dans le fiqh, ou dans les divergences, ou les disputes, ou les désaccords qu'ils ont dans les questions de da'wah, et dans les méthodologies de da'wah, hein, au sujet desquels les gens aujourd'hui se sont divisés, comme on a parlé de ça déjà. Il est obligatoire de juger dans toutes ces divergences-là par le Coran et par la Sunna. Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas des croyants. Parce que Allah a juré par lui-même et que la personne qui ne juge pas selon sa révélation et selon la Sunna du Prophète sallallahu il n'est pas croyant. ثم قال تعالى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أما من حكم إلى الشريعة ولكنه قبل الحكم على مضض وهو يجد في نفسه كراهية هذا كراهية لهذا الحكم فهذا ليس بمؤمن لا بد أن يقبل هذا الحكم عن اقتناع أما إن قبله مضطرا أو أغمض عليه إغماضا فهذا ليس بمؤمن ثم قال ويسلم تسليما ينقادون انقيادا تاما. Donc le chef il dit, puis c'est pas tout encore. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, puis ils ne trouvent en eux-mêmes aucune difficulté, aucun inconfort par rapport à ce que tu as décrété. C'est-à-dire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrété comme jugement, ils doivent en être en satisfaction par rapport à ce jugement-là. Donc il ne faut pas juste juger par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, d'une façon désintéressée. Ou bien que tu trouves en toi-même que t'aimes pas qu'est-ce qui a été jugé ou qu'est-ce qui a été décrété. Par exemple, comme je disais hier, il faut pas que tu dises j'accepte juste le jugement d'Allah quand c'est en accord avec mon intérêt. Et quand le jugement d'Allah vient en contradiction avec mon intérêt, je le rejette. Hein, c'est comme par exemple, un exemple pour que vous voyez par exemple quand Ben Laden était en Afghanistan. Puis les Américains ils disaient qu'ils voulaient frapper l'Afghanistan. L'Arabie Saoudite ont dit à Ben Laden, regardez, si on va éviter que les Américains rentrent en Afghanistan, rends-toi, hein, viens, rends-toi à nous, c'est-à-dire à l'Arabie Saoudite, nous on va juger selon le Coran et la Sunna. Et on va établir sur toi le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, soi-disant, un de ceux qui prétendent vouloir appliquer la charia, il a refusé le jugement de la charia. Hein? Et il a préféré rester là-bas, et à cause de ça, les talibans l'ont protégé, et par la suite, ils ont été frappés justement par les Américains. Donc, au lieu de se rendre et de sauver la population et de sauver les gens, il a préféré, il a préféré se protéger lui-même et sauver sa propre personne et rejeter le jugement et le verdict de la charia, le verdict d'Allah, et puis faire en sorte par la suite que tout ça arrive par la suite des conséquences qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Parce qu'il a commis des actes, il a commis des crimes. Attends, on va en parler en dehors du cours, mais c'est pour te dire, il devait être jugé par la loi d'Allah. Et s'il croit et qu'il a confiance en ce qu'il dit ou ce qu'il fait, eh bien, il ne devrait pas avoir peur du jugement d'Allah. Que ce soit pour ou contre lui, il devait l'accepter. Et malheureusement pour lui, hein, il n'a pas voulu accepter le jugement d'Allah. Et donc, ça, c'est des actes de ces gens-là qui disent qu'ils veulent appliquer la charia, puis quand on veut les juger selon la charia, ils s'enfuient et ils tournent le dos. Donc, c'est pas ça l'attitude du vrai croyant. Le vrai croyant, il doit accepter le verdict d'Allah et il doit être satisfait de ce verdict-là. Wa yusallimu taslima. Il doit s'y soumettre en complète et en pleine soumission. Fahadihi salatat umur. Awwalan, an yuhakkimuka fima shajara bainahum. C'est le verset 65, si je ne me trompe pas. Oui, pour tout le faire. يحكموك فيما شجر بينهم ثانيا وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكم الله ورسوله وثالثا ويسلموا تسليما وينقادون انقيادا لحكم الله ورسوله فهذه الأمور الثلاثة يثبت الإيمان بها ويتحقق دونك الشيخ الذي قمنا il y a trois conditions pour que quelqu'un soit un vrai croyant, ou bien, disons, pour qu'il a respecté ce qui est mentionné dans ce verset-là. Premièrement, il doit prendre le messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme juge dans tout. Deuxièmement, il ne doit pas trouver aucune difficulté ou inconfort en eux-mêmes par rapport au verdict d'Allah et du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, ils doivent s'y soumettre d'une soumission totale et complète. Et ils doivent être en paix en eux-mêmes par rapport à ce verdict-là. Et se soumettre au verdict d'Allah. Donc ça, c'est trois choses, hein, c'est trois choses par lesquelles on peut confirmer la foi d'une personne, s'il les a respectées. فَالَّذِي لَا يُحَكِّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ بِمُؤْمِنِ وَالَّذِي يُحَكِّمْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ولا يرضى به وإنما يقبله مجاملة أو لأجل غرض من الأغراض فهذا ليس بمؤمن والذي لا ينقاد ولا يسلم فهذا ليس بمؤمن le chef il dit donc celui qui ne juge pas par la loi d'Allah et de son messager parce que dans le livre d'Allah et par la sunna du messager صلى الله عليه وسلم il n'est pas croyant ça c'est un pour la première catégorie deuxièmement celui qui ne juge pas ou qui ne prend pas pour juge celui qui prend pour juge Allah et son messager, mais qui n'est pas satisfait de son jugement, de ce jugement-là, il l'accepte juste pour bien paraître, hein, en apparence, ou bien il l'accepte pour un intérêt qu'il a, il n'est pas croyant. Et celui qui juge par la loi d'Allah et de son messager, mais qui ne se soumet pas à ce verdict-là, et qui ne l'accepte pas dans son cœur, alors celui-là il n'est pas croyant. ثم ايضا ليس المقصود ان التحاكم الى الشريعه هو مجرد تحقيق الامن والعداله بين الناس هذا لا يكفي لا بد ان يكون تحكيم الشريعه تعبدا وطاعه لله فالذين يحكمون الشريعه من اجل ما فيها من المصالح والعدل بين الناس فقط فهذا لا يدل على الايمان لا بد أن يكون تحكيم الشريعة صابعا عن إيمان وتعبد لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى لأن هذا من التوحيد أما الذي لا يقبل من الشريعة إلا المصالح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا فهذا لا يكفي بل يحكم الشريعة طاعة وتعبدا وخضوعا لحكم الله سبحانه وتعالى ولهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد لشيخ الدين Puis ensuite, le but de juger par la charia et d'appliquer la charia, c'est pas juste d'établir la justice entre les gens. Ça, c'est pas suffisant. Si par exemple, parce que pourquoi il y a des gens qui appellent à la justice maintenant et qui disent l'important c'est la justice. Sans que ce soit par rapport à la, que tu crois que cette loi-là vient d'Allah et qu'elle soit la vérité qui vient d'Allah et que c'est obligé pour un croyant de s'y référer. Il pense que l'important c'est juste la justice. Donc, c'est un petit peu équivalent à quelqu'un qui ne serait pas musulman, puis qui trouverait que la charia est meilleure que les lois faites par l'homme, pas parce que c'est la vérité qui vient d'Allah, mais juste parce que c'est logique, ou parce que ça vient en accord avec les intérêts de la justice des hommes. Pas parce que c'est obligatoire de le faire. Le shaykh il dit, si c'est juste pour ça, alors ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que quelqu'un soit croyant. Il faut absolument que lorsque tu établis le verdict et le jugement de la charia, il faut que ce soit fait par adoration et par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui jugent juste par la charia parce que c'est en accord avec leur intérêt et que ça établit soi-disant une justice seulement entre les hommes, ça prouve pas que quelqu'un a la foi et c'est pas basé sur une foi. Et il faut absolument donc que pour que le jugement que tu te bases sur, quand tu fais un jugement, tu te bases sur la charia, il faut que ça vienne et que ce soit établi sur une foi et une adoration et une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le tawhid. Mais celui qui n'accepte de la charia que ce qui est en accord avec ses intérêts dans la vie d'ici-bas, et que soi-disant que ça amène la justice entre les hommes, ça c'est pas suffisant. Et en fait, il faut juger selon la loi d'Allah et la charia d'Allah par obéissance et par adoration et par soumission pour le verdict d'Allah. Et c'est pour ça que la charia et le fait de juger selon la charia, ça fait partie du tawhid. Après, il dit « وَهَذَا الشَّاهِدْ مِنَ الْآيَاتِ لِلْبَابِ وَاضِحٌ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْكِيمَ الشَّرِعَةِ وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهَا مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَأَنَّ تَرْكْ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ ونترك ذلك من الشرك ومن صفات المنافقين. Donc le cheikh il dit que celui qui ça c'est les versets qu'on a mentionnés, c'est en fait la raison pourquoi on les a mentionnés, c'est justement pour prouver ces points là parce que ce sont des versets qui indiquent et qui montrent que de juger selon la charia, ça fait partie du tawhid. Et que celui qui abandonne le fait de prendre la charia comme juge, il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie des caractéristiques des munafiqin, des hypocrites. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On va s'arrêter ici, puis on continuera ça, bienvenue la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك